بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في السؤال 93 بعد المئة 193 question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى بالنسبة لعبارة من يقول عندما تعصي الله سبحانه وتعالى وتبتعد عما أمر الله به تسقط من أعين الله سبحانه وتعالى. Donc il est interrogé à propos de l'expression qui s'emploie en disant que lorsque tu désobéis à Allah et que tu t'éloignes de ses ordres, tu tombes à ses yeux. Qu'en est-il de dire de tomber à ses yeux ? فأجاب رحمه الله تعالى هذه عبارة يريد العرب بها أن الإنسان يقل شأنه وأمره عند الله عز وجل وليس يريدون أن الإنسان كان في عيون الله ثم سقط منها أبدا. Donc il a dit par cette expression les Arabes en fait voulaient dire que la personne perd de son rang, perd de sa valeur auprès d'Allah. Il ne veut pas dire par là que la personne était dans les yeux d'Allah, hein, il ne veut pas dire par là que la personne était dans les yeux d'Allah puis qu'elle en est tombée. Là. ولا يطرأ لهم على بال ولكن يريدون بقولهم سقط من عيون الله أي نقص قدره عند الله عز وجل. Donc il ne reviendrait jamais à l'esprit de penser cela, que tu es dans les yeux d'Allah puisque tu en tombes. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que tu as perdu de ta valeur et tu as perdu de ton rang. نعم. وقد يستعمل هذه العبارة بعض العلماء المحققين الذين لا نشك في أن عندهم من العلم أو من علم التوحيد والعقيدة ما لم يصل إليه كثير من الناس بل كثير من العلماء. Il a dit, il y a même des grands savants, analystes, dont nous ne doutons pas qu'ils ont de la science dans le tawhid et dans la croyance, un niveau inégalé par beaucoup de gens et même par beaucoup de savants, un niveau très haut. Et pourtant, il dit ce genre d'expression. Donc, il a dit, إذا عرف المراد ولم يكن فيه التباس بأي حال من الأحوال بالباطل فلا بأس فيه. Donc il a dit, si jamais le sens est connu de cette expression-là, et qu'il n'y a aucune confusion qui ne soit portée, alors pas de mal à l'employer. Et d'ailleurs même en français ça se dit, Foulane est tombé à mes yeux. C'est le même sens, pour dire que cette personne-là t'a déçu en fait. Elle n'a plus la valeur qu'elle avait pour toi comme auparavant, par l'acte qu'elle aura commis. Naam. ثم في السؤال الخامس وتسعين بعد المئة 195 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى شخص هداه الله ولو أصدقاء سوء ويتحجج لهم بأنه أو بأنه ما في البيت أحد وأنه مشغول ويخشى لنفسه أن يكون كذابا بهذه الطريقة. Donc il est interrogé par une personne qui était guidée, c'est-à-dire une personne qui était auparavant, qui n'était pas sur la droiture et qui était guidée. Et qui, malgré tout, a encore des amis qui, eux, sont sur le mal, sur lequel il était auparavant. Donc, lorsqu'ils viennent le voir, ils prétextent en disant qu'il n'est pas à la maison ou qu'il est occupé. Donc, il craint, en faisant cela, de n'être un menteur. Donc, qu'en est-il ? Il dit cela pour ne pas avoir à les rencontrer, en fait. فأجاب رحمه الله تعالى هذا الذي من الله عليه بالهداية ولو قرنا سوء يعتذر لهم إذا جاءوا إليه بأنه مشغول لا حرج عليه إذا فعل ذلك. Donc il a dit cet homme-là qui a été guidé par Allah Azza wa Jal et qui a encore des amis qui sont sur le mal et s'excuse auprès d'eux lorsqu'ils viennent lui rendre visite en disant qu'il est occupé. Alors il n'y a pas de mal à faire cela. وينوي بقوله مشغول مشغول بالذكر مشغول مع الأهل مشغول بإصلاح البيت ونحو ذلك ويتأول في هذا الحال لا بأس به لأنه يريد أن يسلم من شرهم. Donc il a dit, lui, quand il dit « je suis occupé », il met l'intention de dire qu'il est occupé, par exemple, par le rappel, l'évocation d'Allah, Azza wa Jal, ou qu'il est occupé par sa famille, ou qu'il est occupé par l'arrangement de la maison, et autres. C'est à lui d'interpréter la chose qui va dans le sens de cette phrase-là. C'est-à-dire, eux l'entendent d'une façon, et lui vise une autre façon. Ça s'appelle « théoria », ça, un peu. Une « théoria », qui peut être utilisée dans des cas de besoin. Donc pas de mal qu'il fasse cela s'il veut épargner de leur mal. ولكن هناك شيء أحسن من هذا أن يدخلهم ويعرض عليهم الهداية ويدعوهم للهدى ويقول لهم مثلا الحمد لله هداني الله عز وجل ووجدت أن الهداية نور وانشراح صدر وأنس وتمأنينة وأنا كنت مثلكم في السابق لكن وجدت الخير والهداية اعملوا هذا الخير. Donc il a dit il y a mieux encore que cela que de les éviter. Il a dit qu'il les fasse rentrer chez lui et que justement il leur expose cette guidée qu'il lui a reçue. Il les invite, il les appelle à cela. En disant par exemple, l'ange Allah qui m'a guidé, et j'ai trouvé que la guidée était une lumière et un moyen d'épanouir la poitrine et de l'apaisement de la quiétude. J'étais comme vous auparavant, puis j'ai trouvé le bien et la guidée. Donc, œuvrez en fonction de cette guidée, de ce bien. يدعوهم فربما يهتدون وإذا لم يرى منهم استجابة فبإمكانه وهو هو أن يزوره أحدهم أو بل عفوا أن يزور أحدهم زيارة خاصة في البيت ويدعوه لأنك إذا عجزت عن الجمع فعليك بالأفراد. Il a dit, donc il les appelle, car il se peut qu'ils répondent favorablement à son appel. Et si jamais ce n'est pas le cas, qui ne répondent pas favorablement, il est toujours possible également de leur rendre visite, des visites singulières, individuelles. D'accord ? Il va voir chacun d'entre eux un par un. Car si jamais tu ne peux les réunir tous, alors va les voir au moins un par un. وَهَذَا مِنَ الْحِكْمَةِ لِيَنَ الْجَمْ إِذَا كَانَ جَمِيعًا قَدْ يَكُونُ بَعْضُهُمْ يُقَوِّي الْبَعْضَ عَلَى عَدَمِ الْقَبُولِ وَيَتَكَوَّهُونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ لَكِنْ إِذَا جِئْتَهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا اسْتَجَابَ لَكَ الْوَاحِدُ. Donc il a dit, ça c'est parmi les actes de sagesse d'agir de la sorte. Car si tu les vois en groupe, il se peut qu'ils se renforcent et se renforcent les uns les autres à refuser la vérité. L'esprit de groupe, l'esprit de clan, fasse qu'ils se renforcent. D'accord ? Comme par exemple ce fut le cas de Abu Talib qui avant de mourir était en présence de Abu Jahl et de Abu Umayya, Ibn Umayya, Abdullah Ibn Umayya. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Nabi Sarsem l'a appelé à faire la shahada, ils lui ont rappelé, Atada'u à Millat Abdul Muttalib, vas-tu délaisser la religion d'Abdul Muttalib? Et de là, Abu Talib est mort sur le kufr. Donc les mauvaises fréquentations apportent de mauvaises conséquences. Mais si jamais il les voit seuls, à part, alors il se peut qu'il ait plus d'influence sur eux. وهذا هو الأولى إذا كان يتمكن من إصلاحهم وهدايتهم أما إن لم يتمكن فلا بأس أن يقول أنا مشغول ويقول لأهل البيت إذا عرف أنهم هم قالوا فلان غير موجود. Donc il a dit, cela, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire? D'accord? Si jamais il est en moyen de pouvoir leur apporter la guidée. Dans le cas contraire, pas de mal qu'ils disent qu'il est occupé ou qu'ils disent aux gens de sa maison que si jamais ils viennent, qu'il n'est pas là. وهذا يجوز إذا نوى غير موجود بأي حجر البيت من أحد عفوا بأحد حجر البيت وهو كذلك في الحقيقة وإن كان موجودا بغرفة أخرى. Et le fait de dire qu'il n'est pas là alors qu'il est là, ce n'est pas un mensonge, le chef veut dire. Il veut dire en fait qu'il n'est pas présent dans la pièce alors qu'il est dans une autre pièce. D'accord ? Ils vont dire par exemple, Foulen n'est pas là. C'est un calme général. Il n'est pas là, mais c'est-à-dire où ? Elle n'a pas dit n'est pas dans la maison. Elle a dit n'est pas là. Ça peut être qu'il n'est pas là dans telle pièce alors que lui il est ailleurs. Pour les éviter. Naam. Hadha alladhi qala ash-shaykh fi hadha as-su'al, walhamdulillahi rabbil alamin.